Manière, on sait bien, toi et moi, qu'on n'ira jamais au-delà d'une troisième saison. Ouais, ça va être compliqué. Parce que physiquement, je n'y arriverai pas. Si déjà, je finis la troisième saison. D'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure et j'ai peur que ce soit mon dernier Hellfest, si jamais j'y vais. Ah merde. Ouais. J'arrive en bout de course, quand même. Si jeune et déjà usé. T'as arrêté le sport? Oui. Tu fais plus de course à pied, Bah là, plus. j'ai pas pu, en fait, parce que j'étais malade. Non, mais je veux dire, même avant. Si, si, j'avais repris. Bah alors, tu vas pouvoir reprendre. C'est qu'au mois de juin. Bon, allez, on y va. Schling schlung. Skling, sklung. C'est que j'avais prévu de pas en prendre, et comme tu me l'as déjà ouverte, mais là. C'est pas grave, je la boirai pour toi au pire. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Ah, pardon. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 10 de Road to Hellfest. Un épisode enrhumé. Un épisode très enrhumé. J'ai précisé que c'était la saison 3 ou pas ? C'est la saison 3. C'est la saison 3 et comme souvent les gens l'appellent, de season finale. Donc ça fait peut-être 3 ou 4 semaines qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a eu tellement de galères. C'est comme le sport. Ça fait 3 ou 4 semaines que... Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, bah, on revient, malgré la maladie encore présente au niveau de mon narinage. Voilà. Sinus bouché. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai un paquet de mouchoirs, j'ai de l'eau, j'ai des notes, j'ai tout. Voilà. Ah. On devrait pouvoir y aller. Donc, on va faire une émission rapide parce qu'il est approximativement 18h31. Nous sommes le mardi 12 février. Il fait 31 degrés. Non. Et vous êtes en direct sur Hellfest Radio. Bonsoir, salut à tous. On va commencer le numéro par... Et on va commencer par le live report d'Avatar à Nantes. À vous, Bob. Live report. Attends, excuse-moi. Pardon, j'ai été trop loin. J'ai dépensé mes mots de la pensée. Ah, merde. T'as dépensé tes mots de la pensée. Ok. Et comment ça va, Bob? La bonne semaine. Le bon mois. Comment s'est passé ce bon mois? Exactement. Eh bien, il s'est bien passé ce bon mois. Ah oui? Ouais. Des petites aventures, des petites choses exceptionnelles? Oh non. Rien de bien intéressant. Pas trop de maladies? Oh, si, la maladie, quand même, pas mal. Un peu. Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais. Avec quarantaine, tout ça. Ah, bah ça. Ça fait beaucoup de maladies, mais bon, c'est. On n'a pas le choix en même temps. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Faut qu'on y passe. Tu crois? Ouais. Non, j'aurais esquivé moi si j'avais pu. Bon. Non, bah écoute, la bonne semaine rallongée, ouais, c'était sympa. Ouais. Ouais. Est-ce que toute cette effervescence, ce studio, ne t'a pas manqué? Si. Bah l'effervescence, non, parce que vitamine C, doliprane, enfin, tu sais, tout ça. En parlant de studio, est-ce que je t'avais montré les photos J'ai une amie qui a un studio d'enregistrement qui me dit si vous voulez venir faire des podcasts. Je t'avais montré. Où ça? Attends, alors, je te le dis comme je... C'est loin? À Coutances. Ah merde, ouais, ça... Non. Mais attends, surtout, c'est... Je veux dire, c'est pas une chaufferie, quoi. En fait, moi, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, non, c'est... Ah, d'accord. Non, j'ai dit, c'est beaucoup trop bien. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai eu peur, parce que j'ai dit, putain... Ah oui, effectivement, ah ouais. Ça ressemble à un vrai truc, hein. Ouais, mais là, on serait trop éloigné. Regarde, il y a même une porte. Studio Web Radio. Waouh. Ouais. Mais c'est où, à Coutances? C'est à l'impulsion numérique. D'accord. Ça m'en dit pas plus, mais d'accord. Donc, on me l'a vendu comme si je créais sous forme d'association, on pourrait l'utiliser. Mmh. Après, je me suis dit quelque part, est-ce qu'on serait à l'aise dans un vrai truc comme ça? Je crois pas. Est-ce qu'on perdrait pas un peu de la magie? Bah si, totalement. Nous, c'est des bouts de ficelle, nous, donc... Ah bah c'est le cas de l'année. Non. Et des bouts de bracelet, même, qui pendent. Aussi, ouais, des bouts de bracelet. D'accord, très bien. Et toi, ce mois? J'ai été malade. Tout ce mois. Non, écoute, au début, ça allait. J'ai plutôt pas trop mal profité de ces jours. J'étais en mode, ouais, tout ça. Enfin, profiter, non, pas plus que ça, juste la vie classique. Ouais. Et la maladie m'a emporté la semaine dernière. Ah, petit ange, parti trop vite. C'est ça. À coup de... J'avais bien oublié la sensation de prendre sa température. Enfin, alors, ah, donc, sous les aisselles? Non, moi je suis allé... Sur le front? Et non, sur la tempe, avec le pif, le pistolet. C'est ça. Tout à fait. Ouais, non, c'était pas agréable. Ok, c'est bon. Alors, oui, on passe à la section live report. Alors Bob, tu as eu la chance D'aller je crois que le générique va être beaucoup mieux que le live report en lui-même. Tu as eu la chance d'aller à Nantes, au Stéréolux, ouais. voir Avatar. Alors, déjà, la scène, très sympa. Ouais. Hein, le Stéréolux, c'est sympa. Mm-hmm. Ouais, t'attends pas sous la flotte, déjà, parce que c'est couvert par un toit de verre. C'est merveilleux. Très beau. Ouais, donc, ouais, non. Agréablement surpris, déjà, par le cadre en lui-même, mm-hmm. hein, de la scène. Je m'attendais plus à un truc un peu plus industriel. Enfin, tu vois, vraiment... hors de la ville ou pas très loin, mais tu vois, un côté très froid. Et en fait, pas du tout. Bon, après, ouais, c'est une bonne scène, une bonne salle. Avatar, donc Avatar. Bah, ils ont fait le même show qu'à Paris. Donc, pas plus, pas moins. Pas surpris, quoi. Très bon live. Hein. Ça reste très bon, mais bah, pas surpris, quoi, voilà. Du live en lui-même. Donc, quelque part, en dehors de l'ambiance, tu vas me dire, j'ai rien manqué de... Non. Voilà. Voilà. Le show en lui-même n'était pas... Il n'y avait pas de nouveaux trucs. Ah, putain, génial. Ouais. Et il manquait juste le plancher, en fait. Ah, oh, merde. Y avait pas et là, c'était sympa. Bah oui. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, tu m'as dit, hors antenne, que tu as rencontré beaucoup de gens. Oui. Tu t'es fait des nouveaux amis. Bah, des nouveaux amis, oui, sur le coup. Oui, hein, les meilleurs. On n'est pas resté en contact, hein, parce qu'il y en avait tellement de gens avec qui on a pu taper la causette 5 minutes, 20 minutes. Wow. Ah ouais, non, on a été jusqu'à 20 minutes. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. En attendant justement le concert, hein, c'était, avec des Auvergnats. Très sympa. Ouais. Voilà, sinon, un petit peu tout le monde. Hein, voilà, c'était sympa. D'accord. Très bonne soirée. Très bien. Ouais. Et Nantes est une ville très sympa. Ça t'a donné envie d'y retourner ? Oui. Oh, génial. Ouais, complètement. Très, très bien. On n'a pas fait la scène Michelet, parce que du coup, oui. Timing, tout ça, c'était pas jouable. C'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Mmh. On voulait aller faire justement un lot de scènes. Ça y est, je l'ai plus. Le ferrailleur. Le ferrailleur ? Oui. Mais les groupes étaient moins intéressants, et du coup... Du coup, non. Bah, voilà. Très bien. Très ça s'est mal goupillé sur la fin. Mais c'est pas grave, on a fait un bon week-end sur Nantes et c'était sympa. Voilà, voilà. D'accord. En introduction de ces news, je voulais répondre à un de tes messages. Qui, Oula. Oui. Lequel ? Celui où je t'ai marqué oui ? Celui où je t'ai marqué Zach ? Arrête, ne spoil pas toutes nos conversations, s'il te plaît. Tu viens de résumer 2 ans. Non, tu m'as envoyé un message... Et du coup, j'avais pas vu à l'époque. Oh, c'était quand ? Quelle année ? Attends, non, c'était récent. 2012. Voilà. Donc, ça remonte au vendredi 1er février. C'est pas si loin. Ouais. Et c'est toi qui as l'initiative de la conversation. Donc, là, c'est assez rare. Waouh ! Attends, non, là, je devais être dans un état second ou proche de l'Ohio. Ça peut être lié à une news, donc c'est pour ça. Ah. Ton message était : tu le trouves drôle, le clip d'Ultra Vomit ? Voilà, donc ma question était la suivante. Parce que toi, oui ? Pas plus que ça. Ah d'accord, donc c'était vraiment une... Genre, t'étais déçu un peu. Ouais, non, c'est vraiment une question. Bah, j'ai pas été déçu, non, parce que l'animation est super bien faite. Mais j'ai vu plein de gens qui disaient « Ouais, je me suis tapé une barre, c'est trop drôle, machin. » Ah ! Bah oui, mais tu contextualises pas aussi. Ah oui, pardon. Ah oui, mais tu m'as pas répondu, en fait. Si. Parce que tu m'as pas dit « j'ai vu » ou quoi que ce soit, et tu m'as pas répondu. Je t'ai répondu, c'est direct. Non, tu m'as pas répondu. J'ai marqué « j'ai pas vu ». Salaud. Bah, c'est marqué. Justement, j'ai pas vu. Et tu l'as vu ? Je l'ai vu, j'ai regardé tout à l'heure pour pouvoir en parler avec toi. 1er février, putain. Bah quoi ? Bah, je sais pas, on n'est pas le 12. Tu m'as relancé, on est le 12. Tu m'as relancé, bah, aussi. Oh, excuse-moi, ça y est, monsieur a un rhume, ça y est, c'est l'hécatombe, c'est la fin du monde. J'ai failli mourir. Dans mon lit, seul et seulé. Très bien. Tu te rends compte que je regarde. Bon, alors, et toi, tu l'as trouvé drôle ? Non, pas du tout. Bah, voilà. Non, c'était juste pour ça, en fait. Ah oui. Je voulais juste savoir si c'était moi. C'était pour me rassurer, en fait, sur tes moi. Capacités intellectuelles de l'humour. Ouais, voilà, par exemple aussi. Alors, on peut au moins dire que c'est donc le nouveau clip d'Ultra Vomit. Oui. Donc Takoyaki. Qu'il est sorti le vendredi 1er février, je crois. Ou le jeudi. Ces eaux-là. Apparemment, qui a été fait bien avant, d'après ce que j'ai vu. Ah oui ? Ouais. Mais qui avait du mal à sortir. Non, c'est même pas ça. C'est une question de temps. Enfin, après, voilà. Et donc, il est tout en animation, et puis voilà. Non, le clip en lui-même est très bien fait, c'est pas le souci. Mais je l'ai trouvé excessivement drôle, quoi. Écoute, je cherchais pas à créer un... Voilà. une de mes enfants. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. En parlant de ça, le groupe Ultra Vomit est en... Il y a plusieurs concerts dans le coin. Oui. Il y a au Pieux, au mois d'avril. Où tu vas finir. Vite, vite. et au Bichoiserie, qui est un festival D'accord. dans l'Orne où je vais souvent. Oui, exact. Alors, si jamais... Le cœur tend... Il y a aussi Absoclock qui sera là le même soir. Ouais, cool. Donc, si jamais le cœur t'en dit... Ouais. Bah, après, ça dépend. Je ne sais plus quand est-ce que c'est fixé. Ça doit être au mois de juin. Parce qu'en en général, c'est le moment où j'enchaîne les festivals par semaine. Oui, c'est ça. Donc... Là, t'es peinard, tu feras pas le download. C'est vrai. Oh, ouh. Non, mais en général, il y en a un en même temps. Ouais. Nofest. Voilà, enfin. C'est fini, on n'en parle plus. du coup, non, mais si jamais ça te dit, je peux tenter. Tout à fait. Parce que le cadre mérite ta venue. Ouais, c'est pas comme celui d'Hérouville. Le château de John. Non. Si, c'est un château de Cerisy Belle Étoile. Cerisy Belle Étoile. Ouais. Waouh, attends, je suis perdu là. Non, je te jure. Comment je m'appelle Cerisy Belle Étoile ouais, ah non, au Bichoiserie, tu veux dire? Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Non, moi j'étais sur. John celui... Beauregard. C'est ça, John Beauregard. Ouais. Non, non, mais parce que là-bas, vraiment, en plus, quand t'es dans les coulisses, tu t'es vraiment trop bien placé. Quoi. Ah ouais? Ah ouais. Par contre, j'ai peur que Ultra Vomit passe sous une tente. Et là, t'es un peu moins bien placé, là, c'est la bagarre. Mais... Ah merde. Pas cool. Donc, peut-être pas, voir si c'est le vendredi soir, ils sont peut-être sur la grande scène. Parce qu'il y a moyen après de. Moi, si je te négocie un truc. Ouais, carrément. Donc, ouais, ça peut se tenter. On reparle. Ouais, hors antenne. Donc, je te propose d'attaquer ces news. Tout à fait. Et puis de faire une émission un peu tranquillou, où on rebondit de fil en aiguille. C'est et ça. De coton en tige. Oh, ouais, ouais. Je commence, j'ai levé la main. Proms. Donc, bah, va. Vas-y, Proms, commence. Alors, ah, je vais reprendre une petite gorgée d'eau. Grimbergen. Elle est bonne, cette eau de source. Brassin de Noël. On va revenir à bout. Non, ce n'était pas... Static X. Tout à fait. C'est ça. Va fêter les 20 ans de leur album Wisconsin Death Trip à travers une tournée américaine. Pas du côté de chez nous, mais plutôt vers juin et juillet. Oh putain ! Excellent ! Merci, merci. Nous pouvons noter la participation de Devil Driver and Dop. Notons également deux petites choses intéressantes. Le groupe devait sortir un album au printemps de cette année avec la participation exceptionnelle de plusieurs chanteurs tels David Draiman de Disturbed, Ivan Moody de Five Finger Death Punch, Def Fafara de Devil Driver, Ed Seldop de Dope et Burton Siebel de Fear Factory. Et petite particularité, Wayne Static, chanteur du groupe, est décédé en 2014. Ce sont donc des samples de sa voix que nous entendrons sur son nouvel album. Quant à savoir qui chantera lors de la tournée, cela reste un mystère. C'est pas faux. Statistique est-elle un groupe que tu aimais bien? Oui. Tu les as déjà vus en concert? Alors, je les ai loupés en concert. Ça m'a bien fait... Au Fest? Ouais. Moi, je les ai vus en concert à Paris. Et c'était génial. Ouais, bah j'imagine, ouais. J'étais hyper surpris parce que je ne m'y attendais pas. C'est un groupe qui fait partie de mon adolescence aussi, ça. Et... Ah, non, mais vraiment. Ouais. Et puis, on aurait tendance à se dire que c'est hyper répétitif parce que c'est des motifs qui sont souvent répétés un peu. Ouais. Mais ça rend une bonne énergie. Ah ouais, non, et Wayne Static, je pense qu'il était... Ouais, non, si c'était bien. Ouais. Je te laisse la news suivante. C'est gentil. Comme ça. Un nouvel album de Tool. Ça te ferait plaisir, mon petit Jack? Oh oui. Oh, dis donc. Oh oui. Mais un nouvel album, genre bientôt? Bah ouais, tant mieux, ouais. Cool. Ouais, grave. Eh bien, sache que ta prière sera exaucée. C'est vrai? Selon le batteur Danny Carey, au nom d'Anaheim, que le nouvel album sortira en avril. Eh ben, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah bah si. Et comme par hasard, tiens. Alors? Bah je... D'accord, cool. Bah... Oh bah j'arrête tout. Allez, on arrête l'émission. Oh, c'est bon. Non, et on va s'enjailler. On a encore Mars à attendre. Alors, je vais faire une autre news du coup. Ah bah merde. L'avantage de faire peu d'émissions à la suite, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'émissions à la suite, parce qu'on n'était pas là pendant le dernier mois, parce que j'ai été malade. Et puis du coup, il y a eu des problèmes d'arrangement, parce que Parcimonie, elle a des horaires un peu à la con aussi. Donc l'avantage de faire peu d'émissions à la suite, c'est que nous avons le temps de découvrir tous les titres d'Inflame avant la sortie du prochain album. Toujours prévu pour le 1er mars, pardon, et toujours intitulé Eye the Mask. C'est donc un quatrième extrait sous la forme d'une lyrique vidéo du titre Burn que le groupe nous dévoile. Que dire, à part pas grand-chose. Déjà peu emballé par les précédents extraits, mon attente est équivalente à une nouvelle saison de Walking Dead, sachant que j'ai lâché la série il y a déjà 2 saisons. J'aime dire des choses perso sur moi. J'aime me confier avec vous, auditeurs. Ouais, c'est ça. C'est non, c'est pas vrai. Avec nous, par contre. Ah, si. Moi, je trouve ça... Je te l'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, par rapport à Walking Dead. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Alors, ouais. J'allais dire un truc. Et moi, comme tout bon Français qui se respecte, je veux dire, j'ai toujours une décennie de retard. Pourquoi tout bon Français qui se respecte? Ah, tu viens de commencer? Je viens de commencer Walking Dead. Alors, t'aimes bien? Ouais. Ah, c'est normal, c'est le début. Ouais. Mais j'avais déjà vu des extraits vraiment longs, fragmentés, ouais. Et du coup... Alors, prenons comme ça. Là, j'ai repris vraiment... Et c'est bien. Ah bah ouais, non, ça, bah c'est prenant, quoi, du coup. Ah bah oui. Ouais, forcément. Surtout que t'es pas un mec de la série. Pas du tout, mais alors, pas du tout. Et du coup, comme on parle de musique, Oui, c'est vrai. Le In Flame, tu l'as écouté? J'ai un titre, en fait, sur le dernier Rockard. Ah oui. Et je suis pas accroché. Non, mais oui, c'est voilà. Un peu... Ouais. J'y peux rien. Hein. C'est pas ta c'est faute. De leur faute à eux. Hein. C'est de leur faute à eux, je suis d'accord. Attends. Ah, j'ai même pas acheté le Rockard, moi. Ah ouais? J'étais malade. Mais ça n'excuse pas tout. Moi aussi, j'étais malade. Et bah, j'ai réussi à. Ah, j'y suis allé en rampant, mais je l'ai acheté, le Rockard. Tu l'as acheté où? Chez Edouard. Qui est Edouard? Edouard. Qui est Edouard? Edouard L. Ça me dit pas du tout qui c'est. Edouard L. Ah! Ah, c'est bon, j'ai. Voilà. Tu peux dire la marque, on s'en fout. Leclerc. Hein? Leclerc. Oui. Ouais, mais je préfère pas. Ah bah d'accord, le dis pas. J'en fous. Et tu te souviens-tu, Jack? Quoi? Bah, je sais pas, par exemple, quand je t'ai parlé de la sortie du prochain Tool. Non. Non? Tu t'en souviens pas? Non. Attends, je t'avais dit exactement. Un nouvel album de Tool, ça te ferait plaisir, mon Jack? Oui, si, bah, voilà, souviens. Tu t'en rappelles? Je m'en souviens. Eh ben, j'ai quelques précisions, oh. Quand même. Oh non. Après l'annonce de Danny Onan sur une sortie en avril, oh là là là là là là là là. Eh ben, il y a un fan qui a posé une question sur Twitter, qui est un réseau social. C'est vrai. À Maynard James Keenan, chanteur du Combo. C'est vrai aussi. À savoir si le disque sortirait bien en avril. Oh non. Il a posé la question. Il est courageux. Et il a eu une réponse. Non. Si. C'est ouf. Et je vais te la citer dans l'instant T. Oh purée. Ce dernier, en grand fan des réseaux sociaux, s'est lâché d'une réponse à son petit fan. Non. Ah. Voilà. Un peu comme moi quand je te réponds. C'est vrai. Voilà. Et tu partages beaucoup de choses ouais. Avec le chanteur. Pas t'es... entièrement. Hein, je... Attends. Certains trucs, non. T'es chanteur de Tool. Et wow. Chut. Ah. On ne dit rien. Wow. Peut-être que... Alors surprise. La bonne sort en avril. Non. Ok. Voilà. Tu les me demandes. Podcasts ne se suivent pas, mais se ressemblent quand même un peu avec cette news qui parlera de Tyr et de la sortie du clip vidéo de la chanson Sunset Shore, un second extrait pour un nouvel album annoncé le 8 mars et intitulé Hell. Alors pas Hell comme enfer, enfin peut-être, mais du coup c'est avec un seul L. Faute de frappe, je pense. Non. Non, c'est parce qu'ils sont en forêt ferrière, je te rappelle. Ils viennent des îles Fairway. Ah, c'est ça. Donc peut-être ça s'écrit pas pareil. Peut-être pas pareil. Ouais, c'est ça. Alors que ça doit vouloir dire quelque chose en anglais. Comme nous, en France. Ça s'écrit pas. E2LE. E2LE. Putain, mais c'est... je voulais faire la blague sur ta blague et ta blague était réussie. Waouh. Waouh. Eh bien, donc, c'est un extrait plutôt calme, mid-tempo. Pas un morceau épique à la tire, mais qui fonctionne plutôt très bien. Ouais. Quand même. Hein. Ça fait le deuxième extrait. Les deux extraits me... J'accroche pas tout, moi, de tir. Ah oui? Tu as écouté l'extrait? J'ai pas écouté l'extrait, je crois pas. Ou peut-être qu'il est passé comme ça, par inadvertance. Sur ta bande passante. Sur Spotify. Mm-hmm. Mais non. D'accord. Peut-être, je ne sais pas. On a écouté du tir hein, récemment, donc peut-être que... Peut-être. D'accord. Mais maintenant que j'ai l'info, j'irai voir elle. Non, ça c'est l'album, ça c'est. Ouais, et bah j'irai voir elle quand même. Oui, mais il sort le 8 mars. Oui, et bah, c'est ce que je dis, j'irai. J'ai pas dit je vais voir tout de suite. Oui, je non, où c'est je. Vrai. Où, ah, attends, je crois que j'ai reçu un appel. Ah. Ouh. New news suivante, s'il vous plaît. Je n'en peux plus de toutes ces news de Tool. Ménard qui est revenu sur Twitter pour finalement lâcher que la date du nouvel album serait quelque part entre mi-mai et mi-juin. Voilà. Hein, c'est le plus précis que vous aurez au moins la semaine... Enfin, tiens, avant la semaine prochaine. Enfin, avant la prochaine émission. Maintenant, c'est... Voilà, qu'il soit peut-être au mois de juin. J'ai arrêté de dire... la semaine prochaine, quand je faisais des publications, oui, je mettais la prochaine émission. Je prends plus de risques, voilà. J'ai arrêté de me mouiller, ça me faisait trop mal. Ça me faisait mal à moi-même. Je comprends. Donc on va passer au News Hellfest, hein. On enchaîne, on perd pas de temps, il y en a qui doivent aller dormir. J'ai un petit compte Insta que j'ai découvert par hasard, parce qu'ils ont liké un post de la diffusion de la dernière émission sur Instagram, parce qu'on a aussi un compte Instagram pour ceux que ça intéresse, où on y poste moult choses, mais très peu. J'arrête pas, moi, d'avoir des notifications. Ah bon ? Ah, c'est... truc de dingue. Road to Hellfest a publié. Oh, c'est... Bah non, non, mais je tapote, je publie. Oh là là, des recettes. Je fais de la bouffe, je fais tout. Bien sûr. Je marque ce que je mangeais, ce que j'ai commandé au McDo, tout ça. Et ouais. Je dis, et vous êtes plutôt quoi, Big Tasty, Big Tasty Bacon? C'est ça. Alors que ça n'existe pas, le Big Tasty Bacon, enfin. Alors, ça existe, mais c'est pas bon, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Okay. Enfin, c'est pas bon. Ouais, dans ton monde, ça n'existe pas. Alors ça, Indiana Jones 4, Bohemian Rhapsody. les petits mouchoirs. Je comprends. Alors, j'ai un petit compte Insta à relayer, le compte Hellfest Info. Alors, qui s'écrit Hellfest _ info ou Hellfest le tiré du bas info pour les gens qui ont vraiment du mal. À savoir un compte Instagram qui relaie toutes les infos du Hellfest, les principales et aussi toutes les annonces, Warm Up, Metal Corner, Hellstage, etc. C'est là que j'ai pu découvrir par exemple Nuisible et Primal Edge qui seront au Metal Corner et sur la scène du Hellstage, Kawaii Bukake et ou encore As a New Revolt. Donc c'est sous forme de photos, ils balancent en fait les photos qu'ils retrouvent dans les différents comptes, et il n'y a pas beaucoup d'explications, il y a plus des noms et des hashtags avec, mais c'est pas des vrais posts. Ouais, c'est balancé comme ça. C'est balancé comme ça, mais ils ont ils avaient les noms avant qu'on les a nous, donc je suppose qu'ils sont inscrits à tout. Ou alors ils surveillent tous les hashtags qui sortent, peut-être aussi. Ouais, mais ça se trouve, les mecs, ils sont 13. 75 peut-être, et nous on est que deux. Non, ou le mec est tout seul, mais juste il est un et demi, parce que vu bah non, du coup ça fait un, parce que je suis déjà une moitié, toi t'es plus qu'une moitié. Et bah ouais, mais pas vache, on va mal finir. Ça part vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà un petit compte, vous pouvez aller, il y a toujours des infos, il y a des trucs, et c'est toujours des bonnes choses à prendre. J'irai voir. Je te laisse faire... La petite news du 8 février ? Oui. Le Hellfest sera bientôt en mesure de nous révéler la date officielle de la mise en vente des passes à la journée. Bah, c'est important de le savoir. Bah, bien sûr. C'est important de savoir qu'ils seront bientôt... Mais complètement. Voilà. Hein, en mesure de nous dire. Quand ? Tu sais que j'ai pas réussi encore à identifier le goût de cette boisson. Je vois bien que c'est pas de l'eau. Mais il y a... C'est vrai. Je sens que de l'amertume, mais je... alors c'est moi. Ah, t'en es à ce point-là, quand même. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Je savoure, moi, depuis tout à l'heure. C'est Noël. Ah, c'est une poésie. Alors, il y a quelques news que j'ai pas mis, alors parce que je les ai pas retrouvées, parce que j'ai pas eu non plus l'énergie, la force, la motivation. Ouais, je vois bien. Parce que je sais, par exemple, qu'il y a une chasse au trésor organisée par les flibustiers. Non, pas oui. Non, par... Si c'est flibustiers. Ouais, ouais, de 10 000 euros. Ça. Ouais, il y a ça, ouais. Donc on essaiera d'en reparler. Il y a aussi des matchs avec les Corsaires de Nantes. J'ai vu ça. Ouais, et j'ai pas. Donc ça, ouais. On va zapper, je vous préviens d'avance. Pour ceux qui veulent, envoyez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, bah, AMP, un message, on vous fera suivre. D'ailleurs, en parlant de message... Oui, c'est que ce que j'étais en train de me dire. Eh ben, je t'en prie, vas-y. Ben, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Alors, j'ai plus le nom. Tu peux retrouver le nom en direct ? Je ne sais pas. Vas-y, meuble. Ok. Ouh, ça fait bizarre. Alors, je dire ça. Je fais... oh là là, dis donc. Tu ne sais pas, meuble. Si. Tu ne serais pas bon aux Victoires de la Musique. Quoi ? Aux Oscars. Mais bien sûr que si. Ah ouais ? Bah attends, je peux complètement meubler. Hein. D'accord. Bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a un placard. J'ai vu un super. Des étagères. Alors, pour ceux qui ont Netflix, je vous conseille la petite série de documentaires The Toy Dad Made Us, qui revient en fait sur la genèse des jouets de notre enfance, ou des jouets très populaires. Par exemple, il y a un épisode sur Transformers, un épisode sur Lego, enfin, je vous lis ceux que j'ai vus, et un épisode sur Musclor. Voilà, très bien, donc je reviens avec... Et donc c'est très intéressant. Donc Grégory Ourlier, qui est l'auteur des vidéos sur les Health Stats, nous a envoyé un petit message pour dire à quel point il était fan de notre travail. Non. Pour revenir, pour venir compléter ce qu'on avait dit. Bon, après on a échangé, on n'était pas forcément d'accord sur les trucs, on n'a pas trouvé de vraiment finalité. Il y a un partout, balle au centre, hein, je dirais. Voilà, donc... Mais en tout cas... On le remercie pour d'être passé venir nous dire un petit message et on recommande à nouveau d'aller voir son travail, ses vidéos. Et dès que Bob aura 2 minutes, il postera sa vidéo Elstead sur la page. Attention, je vais me moucher. C'est très radiophonique ce que tu nous fais là, mon petit Jack. Bravo, félicitations. Merci. Je ne vous dis pas la couleur. Alors ! On ne veut pas savoir. Mais j'ai pas regardé, c'est pour ça que je vous dis pas. D'accord. News suivante. Ah, tu crois ? Wouhou ! On enchaîne ? L'affiche de la soirée warm-up de Nantes au Zénith de Nantes a enfin été révélée et laissez-moi vous dire qu'elle est plutôt mastoc. C'est l'effet que ça m'a fait. Voilà. Petit rappel des faits, le 30 avril au Zénith de Nantes et pour la modique somme de 29€, tu pourras assister à la grande soirée de clôture de la warm-up 2019 et quoi de sympathique au programme me diras-tu ? Quoi de sympathique au programme ? Eh ben, je vais te le dire, jeune malandrin. Pour célébrer en beauté la fin de ce warm-up 2019, c'était le pas écrit, ça. Hein. Pardon ? C'était pas écrit, hein. C'est que de l'impro. Ouais, on est à fond. Elle est magnifique. Allez, tu m'as coupé, je peux plus rebondir. Bah voilà. Ah, je recommence. Ouais, j'ai fait exprès pour voir. Pour célébrer en beauté la fin de ce warm-up 2019, le Hellfest envahira pour la première fois le Zénith de Nantes pour une soirée d'exception bercée dans l'ambiance et les décors du festival. Toute l'équipe de production du Hellfest sera présente pour venir à la rencontre du public qui nous soutient depuis toutes ces années. Au programme, infrastructure métallique dantesque imaginée par les créateurs, Monique Lamouche. Ouh, les créatures. C'est peut-être des créatures aussi. Les créatures. Pyrotechnie infernale, mapping et projection diazo dans le hall, rétrospective vidéo inédite de l'édition 2018, merchandising collector et goodies offerts, exposition et résultats des portraits du projet shooting What the Hell, concours de air guitare avec des passes 3 jours Hellfest à gagner, photo boots, dégustation gratuite de Jack Daniels, Sailor Jerry, Jaggermeister, stand et exposant, donc Aero, Closing, Flibustier, Paris Deus, Slinker, et bien d'autres surprises. Et les concerts de Dagoba et Princesse Leia, ça, on savait, mais également Ultra Vomit, Tagada Jones et Mass Hysteria. Et pim, dans ta gueule. Alors là, franchement, ouais. franchement, j'ai énormément envie d'y aller. Mais putain, c'est un mardi. Alors, faites chier, les gars. Ouais, là, ouais. Franchement, j'ai quand même toujours envie d'y aller. Je poserais bien une journée, moi. Là, ça pourrait être compliqué de poser une journée. Faudrait voir, mais. Tu crois que ce serait jouable de faire l'aller ? Tu finis à quelle heure ? Attends, je suis peut-être du matin. Ah, oh, chaud. Ah non, si t'es du matin, tu vas tomber. Encore quoi, un petit ange parti trop tôt. Ouais, j'ai une super santé. Je sais pas. T'es vieux, tu m'as dit. Tu m'as dit hors antenne, oh, je suis vieux, ce sera mon dernier Hellfest, machin. Ah, truc. Non, je suis d'après-midi. Donc ça pue du derche. Ça dépend. Il faut combien de temps pour y aller ? T'as quelle heure ? Je dirais 3h30, grosso merdo. Ça se fait d'une traite. T'as quelle heure ? Oh bah, je sais pas, ça va être sur les. Bon, j'imagine que ça ouvre à 19h, 19h30, un truc comme ça. Oh, je crois que ça ouvre à 18h. Bon, 19, tu vois, j'étais presque. Bon, là, ouais, après, si on faisait l'aller-retour, c'était jouable. On en reparle. En tout cas, celle-là, je suis chaud. Celle-là, j'ai envie. Ah bah, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'est ouais. Le Zénith, en plus. C'est pas non plus la petite salle de... Non, c'est la première fois, avec un décorum, avec tout ce qu'il y a. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, Mass Hysteria, on pourra pas les voir ailleurs. Ah, tu crois ? Je sais pas. Faudrait poser la question. Oui. C'est vrai, on peut faire ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais ? De poser des questions. Putain, moi, ça m'est arrivé de répondre à des questions. Waouh ! Truc de dingue. Putain, on devrait faire un duo ? Je crois que non, on serait pas. Hein ? Non, je pense qu'à mon avis, y a pas la mes chimie. Réponses seraient pas. Ouais, non, ouais, seraient. Ouais, non. Bon, bah d'accord. C'est très bien. Excuse-moi. Enfin, tu t'attendrais à mieux, je pense. Plus concret. Hein, quelque chose de plus. Tu vois. Déjà, c'est déjà vachement surestimé ce que j'attends, déjà. ouais, c'est vrai. Du coup, on revenait à ça, il reste quand même la warm-up de Caen. Hein, qu'on doit... Ah mais ça c'est prévu, de toute façon moi j'ai mes places. Donc, ah bon, c'est bon ? Bah oui. Oh. Ah, j'allais commander alors. Les ai depuis qu'elles sont... ça fait un mois et demi, je crois. Le bal des enragés. Ah, oh, ça va ? On n'en avait pas parlé ici, je crois. De quoi ? Il y avait le concert des bals des enragés qui est à Saint-Lô. Ouais. Qui va me faire penser qu'il faut qu'on parle d'une autre... Putain, on est en train de faire n'importe quoi. Moi, je sais pas, moi, c'est toi qui fais n'importe quoi. Ok, bah on termine les news Hellfest et on va venir sur les news concerts. Ok, d'accord. Beaucoup trop de news, trop de rubriques. Je t'en prie, news suivante. Ah, d'accord. Wisdom Temptation offre un voyage VIP, ou VIP, comme disent nos amis anglo-saxons, pour l'enfer, to hell, du Hellfest. Transport, passe, meet and greet avec le groupe offert. Pour gagner, rien de plus simple. Il suffit de participer à leur concours en ligne, The Code. Entre guillemets, The Code. Waouh. Désolé. C'est parfait. Pour y découvrir les 5 clés cachées sur tous leurs réseaux sociaux. Tous. Hein. Tous. Tous. C'est tous. Voilà. Eh ben, c'est plutôt une initiative sympa. Ouais. Alors que Manowar, ils ont dit qu'ils proposaient... le classique full package que tu peux commander. Euros. Voilà. Mais ouais, voilà, tu peux gagner un truc. Ouais. Dernière news, il y a eu une interview de Ben Barbeau pour le site rocku.fr, donc rocku.fr. Une petite interview d'une demi-heure où Ben revient sur la vente des billets, le Knotfest et l'avenir, etc. etc. Voilà. Donc une interview classique, mais où il prend bien le temps de tout expliquer. Donc... Sur par exemple la mise en vente des billets qui a un peu merdé pour beaucoup de monde, bon bah il explique que voilà, c'était une première pour Wiz Event de faire un truc aussi gros, ils peuvent faire des erreurs, ils apprennent, comme il explique, ça s'est beaucoup mieux passé sur celle du Knotfest, donc il s'adapte. Il revient sur le Knotfest justement où encore une fois c'est un essai pour une année, ça veut pas du tout dire qu'il y aura une quatrième journée. Si jamais ça se passe très bien, il n'est pas fermé à l'idée de pourquoi pas. Mais il n'y a rien du tout d'ancré ou de décidé. C'est un test. Et à la fin de l'interview, on lui a posé la question de quel serait pour lui le top 5 des groupes à ne pas manquer. Donc lui, il a dit qu'il serait devant Tool. Voilà. Ouais. Il aimerait bien aussi être devant Dream Theater parce qu'il aime bien le groupe et que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu et qu'avec les reformations qu'il y a eu, tout ça, il voudrait le voir. Il a parlé de Manowar aussi, qu'il aimerait bien voir. Et de ton groupe de la vie. Ouais, Fever 333. Voilà. Qui a dit qu'il avait vu une énorme énergie et qu'il voudrait bien être là. Eh ben ouais, mais... Mais je t'ai mis... J'ai pas dit le mais coup. Ça reste du main stage et du coup, ça, ouais, ça peut... Ça peut, ça peut ralentir un petit peu le processus de... D'appréciation. Ouais, j'ai envie. Et aussi de l'avenir du Fest. Et de l'avenir du Fest qui, pour lui, en fait, ne le voit justement comme une continuité d'amélioration pour les festivaliers. Parce que comme il tient à le rappeler à chaque fois, comme ils sont sous le principe d'une association, voilà. Ils n'ont aucune bénéfice qui va rentrer dans leur poche. Par contre, il précise bien quand même que les gens qui travaillent au Hellfest sont bien payés. Ils auraient tort. Voilà, ils sont bien payés et que... Par exemple, pour le Knotfest, ils toucheront rien de plus, mais ils travailleront plus. Ils travailleront plus et ils sont d'accord avec ça. Donc là, il explique que bah, ça sera plus des améliorations du site et d'autres changements de cet ordre d'idée là, mais que en dehors de ça, pas grand chose de plus. Si, il a quand même parlé de faire un deuxième Hellfest. Ah oui, il pourrait tout à fait faire un deuxième Hellfest dans l'année. Il y a la demande. Il y a la pensée. Parce que, comme il dit, on remplirait largement un deuxième Hellfest. Mais comme il dit, dans l'avenir, on ne sait pas si le Hellfest va s'essouffler. Ouais. Et du coup, là, c'est un phénomène de mode. Donc, comme il dit, il y a des fans de métal, il y a des gens curieux dans le bon ou le mauvais terme du sens, hein, comme il dit. Donc, après, est-ce que ces gens-là ne vont pas s'essouffler et se dire, c'est bon, on a fait le Hellfest un an, deux ans de suite, et puis on ne reviendra pas. Donc, peut-être que c'est... 20-30% du public maintenant, actuel, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se disent true metal, qui ont lâché le Hellfest depuis des années. Donc voilà, il y a ça aussi, et du coup, le fait de faire un deuxième Hellfest, ce serait pas spécialement très intelligent, parce que dans le sens où les gens s'attendraient à ça tous les ans, et du coup, ça serait peut-être un truc qui s'essoufflerait et que bah, du coup, il serait obligé d'arrêter le deuxième Hellfest et de voir peut-être même revoir à la baisse le premier. Et, voilà, rien d'un, tout est incertain, donc ils n'ont aucun... Il part pas sur des acquis, en fait. Voilà, c'est ça. Il est pas en mode, voilà, il sait qu'il est arrivé à un certain niveau, ouais. Il est lucide par rapport à ça, mais il se dit pas, c'est gagné, maintenant, ça sera toujours comme ça. Ouais. Même si, un petit point intéressant aussi, qui est tout au début de l'interview, quand il explique qu'ils se sont rendus compte que pour le merchandising, ils ont fait des erreurs, mais en fait... qu'il explique que comme le métalleux est bien, bien élevé, ouais, tu lui mets une file d'attente, il fait la file d'attente. Ouais. Donc, tout le monde s'est mis à faire la file d'attente. Mais, donc ils savent qu'ils vont revoir les choses par rapport à ça. Ouais. Et puis voilà. Donc, merde, franchement. Donc voilà, une petite interview sympa, sans prise de tête. 28 minutes ouais, et quelques. Petite demi-heure. une petite demi-heure. Donc voilà pour les news Hellfest. On passe aux news concerts. On avait déjà évoqué la venue du Bal des Enragés à Saint-Lô au mois d'avril, le 6, qui est un samedi. C'est toujours pareil, c'est pas évident, parce que du coup, on parle que de Saint-Lô. Pas forcément. On vient de parler du Zénith de Nantes, juste avant. Ouais, après, on a parlé du warm-up à Caen. Non, mais qui te dit qu'on n'est pas écouté jusqu'en en Inde? Oui, non, c'est vrai. Là, c'était en fait, oui, c'est vrai. Mais du coup, parce qu'il ne faut pas que j'en parle. Non, c'est pas une question de ça, mais on parle souvent plus des concerts qui se passent dans le coin. Mais ah, c'est les concerts, en fait, on parle des concerts où vous pouvez nous retrouver. Voilà. C'est ça, en fait. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est plus cette quand idée-là. On parlait d'Avatar à Nantes, c'est parce qu'on pouvait nous retrouver là-bas. Voilà. Voilà, tout à l'heure, je parlais des bichoiseries, bon. Parce que si on va aux bichoiseries... Apparemment, personne ne m'a cherché. Hein, donc, je t'en veux pas, hein, c'est pas grave. Mais t'aurais pu le chercher. T'aurais pu me chercher, quand même. C'est vrai. Minimum. Du coup, le Bal des Enragés, il était prévu que nous y soyons tous les deux. Ouais. Et après, je t'ai dit, j'y serai pas. Oui, c'est ça, tu m'as dit, ouais. Donc, parce que je serai pas en France, a priori. D'accord. Voilà. Je suis poursuivi. Je serai en Inde. Je suis extradé et je retourne dans mon pays. Ok, bien. Cool. Donc, voilà. Qui est le Liechtenstein. L'Angleterre. Ah, d'accord. Ok. Petite sortie en couple. Famille. Famille. Famille, famille. On va aller voir le musée d'Harry Potter, mais ça n'intéresse personne. Si tu peux te choper un petit concert en même temps. Bah, j'y avais pensé à ça, mais. Histoire de se dire. Ah, mais je serais tout seul, à mon avis. Donc, Ouais, mais c'est pas grave, ça. Ah bon? C'est dans la tête? Ouais! C'est, je serai là. Me connaissant, mois d'avril, Angleterre, je vais tomber malade. Une petite grippe aviaire. Un vieux truc bien, bien dégueulasse. Voilà, bien pour. Hein. Donc. Et donc, oui, enfin, je voulais revenir sur le Bal des Enragés, moi, parce qu'il y avait une petite précision qu'on a eue en interne, à savoir, on pensait, nous, dans un premier temps, qu'il allait avoir en première partie No One, et il semblerait, en fait, que ça serait No One se joindrait au Bal des Enragés, donc il ferait partie du show. Donc les membres de No One... Ce ne serait pas en tant que No One, ce serait juste... Le mélange, quoi, comme un peu, il y a des membres de Tagada, des membres... Oui, voilà, de Parabellum. Voilà. Il y avait... Bah, il n'y en a plus. Je crois que le seul membre des Parabellum est décédé. Ah bah il n'y en a plus alors du coup. Et donc voilà, les membres de No One rejoignent le Bal des Enragés, donc ce qui peut permettre aussi au Hellfest d'imaginer qu'ils seront aussi sur scène avec eux, donc ça peut être un joyeux bordel supplémentaire. Tout à fait. Donc c'était un peu pour ça que je voulais dire. Bon, voilà, je comprends. Bah, quand plus on est de fouks, plus on s'amuse. Petit autre concert à venir dès samedi prochain, à savoir le 16 février à Saint-Lô encore. Oui, bon bah. Tiens, c'est marrant ça. Mais là, c'est parce que c'est les amis. C'est ça. C'est les copains. Et peut-être que vous pourrez nous retrouver là-bas. Oh bah, moi, oui. Oui, bah, oui. Les gens vont pas nous chercher encore, donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Donc. Je lèverai la main. Au Kick, qui est donc un bar concert à tendance metal biker. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Va accueillir le groupe Thangelith, qui est donc du death metal de Rouen, je crois. Je vais pas dire de conneries. Ouais, c'est pas ça, hein, tant pis. et le groupe Génome. Quoi? Non, c'est un groupe de reggae. Et Génome, qui est un groupe de groove metal. Moi, je dis ça. De la région. Et bien sûr, Génome, c'est nos amis. Donc, faut venir boire de la bière, venir. C'est ça. Nous, on soutient. Mais t'es pas sûr d'y aller? Si, j'y vais normalement. Ah oui, normalement. Oui. Mais t'es pas sûr d'y aller. Mais j'ai une petite santé. Non. Je serai à Saint-Lô, tu peux rentrer à pied. Quoi? T'empruntes la trottinette Benten. Tu rentres. Je n'habite plus à Saint-Lô, enfin. Depuis des années. C'est vrai. Ça n'a pas caché mon identité. Saint-Lô. Voilà, pas d'autres news concerts à venir. Parce que ma Sisteria au BBC... Bah c'est complet. Bah c'est complet. Bien joué. Donc, voilà. Bah, je pourrais pas te dire, du coup. Bah si. Si on va à Nantes. Ah bah oui. Tu vois. Ah oui, donc faut qu'on aille à Nantes. Ah la vache, ah oui. Bah c'était pour ça. Ah, mais oui. L'obligation est là. Enfin, c'est même pas Nantes, c'est Clisson, du coup. Non, c'est Nantes. Non, autant pour moi. Non, oui. Je confonds avec la soirée. Tu mélanges tout. Toi. Ah, mais il y a tellement de trucs aussi qui se passent. Mais à la mais fin, je ne sais plus. Mais en même temps, t'as raison. Non, c'est pas eux qui sont là. Non. Oh. C'est pour ça, tu vois, je confonds. Ouais. Je me. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est le bon moment. C'est News Not Fest. Alors. T'as toujours 75% des places vendues pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et c'est Bob qui est chargé de choisir le groupe de la semaine. Et quel était-il ? Qui fut chargé. Non, qui est chargé toujours ? Ah, je suis toujours chargé. T'es chargé pour tous les autres groupes maintenant ? Ah oui, c'est vrai, je suis préposé au groupe. C'est ça, oui. Du Knotfest. Super. Bah oui, j'avais dit Behemoth, mais après... Bah après quoi ? Bah non, après on n'est pas obligé, on peut toujours faire autre chose. Donc t'as écouté du BMH ? J'ai écouté du BMH. T'as préparé quelque chose ? Non, que dalle, je savais que t'avais préparé, parce que je vois que t'as un papier dans la main. Bruit de papier. Ouais. Qui se prépare à lire. Voilà. Le BMH est une créature mentionnée dans le livre de Job, qui fait partie de la Bible. Job. Métaphoriquement, le nom désigne toute bête de grande taille et ou puissante. Il est connu en arabe comme Bahamut. Fan de Final Fantasy, clin d'œil. Mais ce jour, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le groupe de black et death metal polonais originaire de Gdańsk. Enfin, je m'étais entraîné. Pour ça. Gdańsk. Ah, mettons en rime. Sixième ville de Pologne par sa population et située sur la mer Baltique. C'est d'ailleurs la plus grande ville portuaire de Pologne, mais ça, tu le savais déjà, bien sûr, Bob. Complètement. Tu m'en parlais. Je l'ai étudié il y a encore incessamment sous peu. Et... C'est vrai, ouais. C'est vrai. Formé en 91, le groupe est considéré comme ayant joué un rôle important dans l'émergence du metal extrême underground polonais. La plupart des albums de Behemoth sont axés sur des thèmes sataniques, dont des références à des auteurs tels que Aleister Crowley, John Milton et William Blake. Depuis la fin des années 1990, le groupe adopte un style black metal traditionnel avec des paroles rédigées par le chanteur Nergal et Christoph Azarewicz. 11 albums, dont le dernier I Love You at Your Darkest, fin 2018, plusieurs démos et EP, 3 lives et 2 compilations. Petite précision, en août 2010, Nergal a été diagnostiqué d'une leucémie qui nécessita une greffe de moelle osseuse. Plusieurs mois de convalescence plus tard, le bonhomme sort guéri et plus fort que jamais, à ce que l'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Fan de yoga et d'une vie plus saine, j'avoue être assez fasciné par cet homme qui a étudié pendant 6 ans l'histoire, dont une de latin, qui a les qualifications pour être conservateur de musée et qui a changé officiellement son nom en Nergal, dieu mésopotamien des enfers. En sumérien, ça veut dire maître de la grande ville. Et voilà, c'est le mec qui fait pas les choses à moitié. Non, voilà, le mec il va au bout. Et t'as pas précisé, c'est sa petite femme de l'époque qui voulait lui donner de la moelle osseuse, mais elle était pas compatible. Parce que je trouvais pas ça pertinent. Bah si, parce que c'est quand même une... Une chanteuse de Paul Poim, justement, pop, ça, machin, qui a été classifiée dans les 10 femmes les plus influentes de Pologne. Oui, bah c'était... c'était ça. Bah quoi ? Bah je sais pas, je trouve ça important de le dire. Bah pas moi, je trouve que c'est partie de sa vie privée. Ouais, ok, d'accord. Mais dire qu'il fait du yoga, par exemple. Ah non, ça, bah il le met sur les réseaux sociaux, ce con. Bah ouais, c'est pareil avec ça. Mais c'est parce que c'est quoi le point derrière ce que tu veux dire ? Aucun. Bah donc s'il n'y a pas de point, faut pas le dire. Bah on s'en fout, c'est pareil qu'il fasse du yoga. Non, on s'en fout qu'il pas. Changer son nom c'est un pour, black métalleux. Un black métalleux qui fait des pain face et qui après fait du yoga, bordel. Ah, mais ça, je trouve ça totalement intéressant, c'est sûr. Ah, merci. Bah donc plus que de savoir qu'il s'est marié avec une... Ah, il s'est pas marié, ils sont séparés. Ça n'est pas sûr, ça. En fait, tu peux te marier et te séparer. J'ai vu ça dans VSD, mec. Oui, je sais qu'ils sont séparés. Ils sont en première de coup. Ça y est, c'est fini. Et oui. Avec des clairs entre les deux et tout. Wow. T'as pas vu ? Non. Et donc, alors, qu'as-tu pensé de Behemoth ? Bah, c'est pas ma cam. Oh, t'as écouté quoi donc ? La prod du dernier est propre. J'ai écouté le dernier, j'ai écouté le premier, j'ai dû écouter un au milieu. Et t'as pas... J'ai pas accroché, j'aime bien, ça passe bien, mais c'est pas ma cam. J'ai beaucoup plus aimé les débuts. Ouais. Je trouvais ça justement plus def que black. Il y avait des petits côtés black, ouais. Mais moi, après, j'ai pas trouvé le premier sur Spotify, c'est pas le premier justement. Ah ouais? Ouais. Donc, enfin, j'ai écouté le premier que j'ai trouvé sur Spotify. Voilà, bah c'est fait comme... la première date quoi. Ouais, bah c'est pas le premier. Mmh. Et du coup, déjà là, la prod est pas dégueulasse pour du black death metal. Ça va. J'ai été surpris de ce côté-là. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ça m'a donné envie de le voir en live, en tout cas. Pour, ça ne m'a pas fait fuir. Mais je me suis rendu compte, là, avec ces groupes, que le black metal me fait de moins en moins fuir. Alors, soit je me suis habitué, soit je suis en train de... Non, tu vieillis. Du coup, tu cours moins vite et tu te fais avoir. C'est possible. J'ai plus la force de courir. C'est ça. J'arrête de me battre. Ah, tu ne bats plus. C'est fini. Et donc, ouais, non, ça m'a plutôt donné envie de voir en live. Je suis moins fan du dernier, moi, parce qu'il y a un petit côté un peu trop orchestration qui me parle un peu moins, je trouve. Ah ouais? Ouais. Là, tu commences vraiment à être vraiment death black. Ouais, non, mais c'est... Tu me fais peur. Je me fais peur, Jacques. Tu me fais peur. Je me fais aussi peur. Donc, en tout cas, un groupe que nous verrons avec... Ah oui, non, scéniquement, je pense que ça, ouais. Moi, ça m'intéresse de voir. Ah, ouais. Voilà, on est d'accord au moins là-dessus. Très bien. Contrairement à Amarante. Ah, Amarante, tu vois, j'ai pas changé d'avis. C'est fou, hein. C'est de la merde. Quelle ouverture. Mais ça n'engage que moi. Hein, tout à fait. Comme je le dis à chaque fois. Tout à fait. Et donc, quel prochain groupe qu'est-ce qu'on a Tu veux prendre Ministry. Tu veux prendre le temps d'y réfléchir? Point du tout. Ministry. Ok, c'est noté. Écoute, c'est le premier qui me vient. Bah, c'est très bien. Donc, on va pas revenir sur les sorties albums parce qu'on n'a pas le courage. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas si t'as noté quelque chose d'intéressant. Non. Moi, j'ai juste Metallica qui avait sorti un live. C'était un live au bénéfique. Enfin, ils ont fait un concert acoustique pour des bénéfices de je sais pas quoi de quoi. Et ils l'ont sorti sur Spotify. Je l'ai vu dispo. Je l'ai écouté comme ça pour lancer. J'étais assez surpris parce que c'est un peu une réorchestration de certains morceaux. Donc c'était pas inintéressant quand tu aimes Metallica. Voilà. D'accord. Je tenais à le. Voilà. Et de près de ce que j'ai pu voir, Zealand Ardor doit aussi sortir un live parce que j'ai vu un titre live sortir dans les nouveautés. Tu l'as écouté? Je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté. Et alors? C'est pas mal. Ouais. C'est court. Très court. Je l'ai trouvé court. Mais ouais, c'est bien. Bah, ça reste du Zealand Ardor. D'ailleurs, concert qu'on a raté au fait d'ailleurs ça. Où ça, au Havre? Au Havre ou à Paris? Ouais. Putain. Ah, je les ai vus en plus plein de fois. Putain, j'ai vu la date, je fais ah, ce serait bien le Havre et tout. Ah, moi je l'ai pas revu, c'est pour ça que j'ai raté. Hein. Ouais. Enfin, le Havre en même temps, tu vas pas. Quoi? Le Havre. Bah oui, mais bon. Ah oh, merde, le Havre. Bah Paris même. Alors? Bah non, mais je viens même Paris. Bah, tu... ah bon? Bah, quand il y a Saint-Lô. Ah oui, ah, d'accord, tu parles pour le groupe, pourquoi il est venu? D'accord. Attaquons les chroniques. Wouhou. Attaquons les chroniques. Les chroniques. Donc, je t'en prie, je te laisse commencer. C'est rigolo quand c'est toi. C'est rigolo quand c'est moi. Eh bien, écoute. Si... Il s'étouffe. Si jamais vous demandiez quel jeu d'acteur c'était. Il joue le mec qui s'étouffe. Moi, je suis le cours Florent, tout ça. C'est moi. ZZ Top. Ah. Et oui, parce que ça se prononce ZZ Top. C'est vrai, parce que c'est une blague, mais on ne sait pas, il y a plein d'histoires dessus. Ouais, il y a plein d'histoires dessus, on ne sait pas. Ouais. Feuilles à rouler, les chanteurs noirs américains de blues. Ils ont tout le temps changé la version. Voilà, on ne sait pas. Même encore maintenant, je crois qu'ils s'amusent à... Ouais, dessus. Du coup, je crois que la première blague a lancé les autres. Donc ZZ Top, qui est un groupe états-unien de Houston, Texas. C'est vrai ce que tu dis. Yeehaw. Je pense que Bobby et Jackie seraient contents. Mais... voilà. C'est du blues rock. Hein. Année d'activité, bah, je dirais qu'ils ont commencé en 69 quand même. Ce qui est tôt, ouais, c'est vrai. Ils auraient pu commencer plus tôt, mais non. Ils ont commencé en 69. C'est vrai. Voilà, ce sera, d'après ce que j'ai vu, leur troisième passage au Fest. Uh-huh. Un en 2013, l'autre en 2015. Uh-huh. Voilà. Et c'est l'un des seuls groupes des années 70 à n'avoir jamais changé de formation. C'est vrai. Voilà, en presque 50 ans de carrière. Ils ont vendu plus de 70 millions d'albums à travers la planète Terre, parce que je trouve que c'est important de le dire. Faut toujours... Voilà. Dont, quand même, la moitié aux États-Unis. C'est important de préciser. Ce qui est énorme. Bah, les États-Unis, c'est grand aussi. Ouais, mais 70 millions aussi, c'est grand. C'est beaucoup. Donc, ils ont 15 albums studio, 2 live, un en Allemagne et l'autre au Texas. Et combien de bons albums? Parce que c'est... Alors, combien de bons albums? C'est une bonne question. Les fans disent que leur meilleur, c'est... je n'ai plus le nom. Mais c'est l'album où il y a Gimme a New Lovin'. Ouais. Voilà. Là où ça a vraiment commencé. Donc, moi, j'ai écouté les premiers albums. Mm-hmm. Et je crois que leurs années d'activité étaient vraiment 70-80. C'est vraiment là qu'ils ont le plus été... Et après 90 un petit peu et 2000-2010 beaucoup moins forcément. Ouais. Mais au début c'est vraiment blues rock. Mmh. Le premier album, tout ça, c'est très blues rock. C'est même assez étonnant d'ailleurs de se dire hey, c'est ZZ Top. Et on sent vraiment le côté plus rock'n'roll, mais je pense que c'est avec l'air du temps aussi, quoi. Mmh. Hein, les années 80, ça faisait partie aussi du truc, quoi. Donc, Est-ce que tu avais vu qu'au début, ils n'avaient pas ce look? Non. C'est venu sur le troisième album, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que justement, le seul qui ne porte pas de barbe s'appelle Beard. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant, c'est vrai. Et qu'une grande marque de rasoir leur avait proposé $1 million ouais, de dollars pour se raser, ils n'ont jamais voulu. Et ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est pas des vendus. Hein. Non. Donc voilà, tout le monde connaît forcément ZZ Top, hein, des morceaux comme La Grange, Gimme All Your Loving, ou voilà, donc, c'est incontournable. Moi, ça fait partie de mon adolescence, de ma jeunesse même, parce que mon oncle est un fan, entre autres, de ZZ Top. Donc ça a bercé, mais ouais, je connais depuis l'âge de 6-7 ans, donc forcément... Ça oui, mais un peu. Tu connais, mais est-ce que tu avais pourtant écouté autant de trucs différents? Parce que moi, non, j'ai plus écouté vraiment les albums rock et ouais, ceux qu'on connaît vraiment, le greatest hit, on va dire, de ZZ Top. Je connais pas toute la carrière de ZZ Top. Je connais pas tous les morceaux non plus. J'ai pas tout écouté. J'ai bien aimé moi le premier album. Bah, j'ai trouvé sympa. Ouais, moi aussi, ouais. Vraiment bien. Ouais. Très agréable à écouter. T'as été écouté le dernier album? J'ai pas écouté le dernier album. Ouais, je crois voir celui lequel c'est. J'ai pas écouté. Bah, t'as écouté l'avant-dernier album? J'ai dû écouter un peu et j'ai pas accroché. J'ai dit merde, tiens, c'est. Oui, bah c'est ça en fait. Ouais. Tu demandes, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est ce que je me suis dit. Ah non, c'est ça en fait. Et quand tu repars du début et que tu remontes, tu tombes sur des petits morceaux très sympas. Alors, effectivement, ils ont quand même. Quelques albums ou quelques morceaux qui sortent du lot pour un côté soit vraiment taillé pour la radio où tu vois vraiment qu'ils ont un truc en plus. Ouais. Et parce que leur côté morceaux blues rock sont sympas mais sont assez passe-partout, sont rien d'exceptionnel. Par contre, leur dernier, parce qu'il y a quand même eu des dizaines d'années où ils n'ont pas sorti d'album, quoi. Donc ouais, ils sont vraiment restés assez inégaux dans leur sortie et c'est à force de tourner de faire des tournées et des concerts qu'ils ont pu survivre parce que sinon. Ça se vendait pas très bien non plus, donc. Moi, je pense qu'ils sont restés un petit peu sur leurs anciens succès. Titres et leurs succès, voilà. Et du coup, c'est ça qui marche, quoi. Ouais, mais parce que ça a été un peu des échecs à chaque fois, les albums. Hein. C'était même pas, tu sais, c'est même pas, ils revendaient un minimum, et ça se cassait un peu la gueule. Ouais. Par contre, ils sont hyper durs à écouter, je trouve, moi, donc. Justement, moi, un que j'ai écouté, c'est Mescalero. Ouais. J'ai commencé à l'écouter. Ouais, le Mexicain. J'ai pas accroché. Ah non, il est. C'est vraiment. Ouais, tu te demandes, tu dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un côté mou et très. Ouais, non, je sais pas, ils ont tenté un truc. C'est, bon, on sait bien que chez nous, Road to Hellfest, on aime les gens qui tentent des choses. On aime les gens qui tentent. Faut tenter, les gars. Des fois, on peut pas toujours dire ouais. Mais c'est vrai que oui, je me suis dit tiens, curieusement, la pochette peut est sympa, il y a ce côté un peu mexicain qui peut peut-être apporter une couleur. Un rock un peu plus... Après, ils sont texans, les mecs, donc j'allais dire un rock chaud, mais non. Mais un truc différent, quoi. Ah oui, ça a apporté un truc différent, oui, c'est sûr. Mais pas dans le bon sens, quoi, du truc différent, quoi. C'est assez mou de... bah, dès le premier morceau. Déjà, ah, c'est ça, ouais. C'est, ouais. C'est long à partir. C'est... Et ouais, non, j'ai pas apprécié l'écoute. Non, non, bah, les derniers sont comme ça. Donc, ouais. Bah, on peut préciser et ajouter qu'ils joueront le samedi en main stage. Tout à fait. Et est-ce que tu iras les voir? Alors, je me dis que j'irai bien. J'ai l'envie d'aller les voir quand même, parce que je les ai jamais vus. Ouais. Et je me dis que peut-être que c'est comme Kiss, que c'est comme certains groupes, où bah, j'aurais plus l'occasion de les voir. Et là, ils passent. Tu vois, il y a ce côté-là qui me dit, bah... Profite. Ouais, j'irais bien les voir. Ouais, je suis assez de ton avis. Je partage ouais. un peu ce... Je te rejoins. Au moins voir ZZ Top une fois, tu vois. Ouais. Ouais je les ai pas vus quand ils sont passés en 2015. 2013, je ne les ai pas vus non plus, parce que je n'étais pas. Ouais, non, j'irais bien les voir, ce coup-ci. On ne sait jamais ce ouais, qui non. peut arriver. Ouais, non, non. Donc voilà. Très bien. C'est un groupe que j'affectionne, gentiment, quoi. Mm. C'est plus le côté nostalgique du truc, quoi, qui me donne envie d'aller les voir. Bah, c'est bien. Voilà. C'est bien. D'autres choses à ajouter ? Non. Très bien. C'est tout. Alors, j'enchaîne avec mon premier groupe, Whitechapel. Whitechapel est un quartier multiculturel vivant londonien. Mm. Tu savais. Qui comprend de nombreux pubs traditionnels et restaurants indiens. Ouais, c'est Jack l'Éventreur, tout ça. Exactement. De plus, les touristes peuvent, grâce à ces visites à pied guidées au cœur des allées pavées, refaire le macabre trajet des victimes de Jack l'Éventreur. Et c'est bien de ce quartier et de cette série de mœurs que le nom Whitechapel est issu. La Chapelle Blanche est donc un groupe de deathcore américain originaire de Knoxville, dans le Tennessee, et qui a été formé en 2006. Le groupe compte actuellement 6 albums studio, à raison d'un album tous les 2 ans, avec pile poil au milieu la sortie d'un EP. Pile poil entre les 3. Ouais, ne nous oubliez pas. Alors, que dire à part... au début, j'ai été d'abord pris d'un truc genre « Waouh, putain, c'est bien, c'est efficace, ça bouge bien et tout ». Et après, ça m'a un peu perdu dans le côté pas de surprise ou pas de justement trop répétitif dans le style, mais je me suis pas du tout retrouvé. J'ai pas du tout trouvé l'écoute désagréable, mais je me suis juste rendu compte à un moment donné que je faisais plus gaffe à ce que j'écoutais. Donc il y a quelques moments de bravoure, il y a des moments où j'affectionne un peu plus. Il faudrait pas que je dise de conneries parce que j'ai écouté un peu tous les albums et à chaque album, en fait. Au bout d'un moment, dans l'album, je décroche. Donc, ce qui est un peu embêtant quand tu écoutes un groupe. Je trouve ça très efficace comme tel, mais pas sur un album forcément entièrement. Donc, pas autant d'albums que ça. En fait, le premier album m'a laissé un peu bof, le deuxième un peu plus, le troisième bof, le quatrième plus, et ainsi de suite, en fait. Mais rien à chaque fois où je me dis « Ah, c'est génial !» Donc, je suis un peu resté en ventre mou pendant toute mon écoute. C'est peut-être une volonté de leur part aussi. Peut-être, ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est juste moi, mon ressenti a été que, ouais, peut-être qu'en live, ça peut être sympa à voir au niveau de l'énergie. Mmh. Mais il n'y a pas de. En fait, ça ne me fait pas le même effet cool quand, par exemple, j'avais découvert Get the Shot ou quand je découvrais les morceaux, j'aimais bien, ça me donnait la grosse patate. Et après, j'avais envie de réécouter le morceau. Là, j'ai écouté le morceau, il y a 2-3 moments où dans le morceau, je fais ah ouais! Mais après, je fais, ouais, bof, tu vois, j'accrochais pas plus que ça, en fait. J'ai rien ressorti qui s'est démarqué. Ouais, de notable. Voilà. Du coup, ils ont un album qui sort cette année, donc il y a déjà des extraits qui sont disponibles. J'écouterai sûrement pour avoir un avis. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un truc que j'ai trouvé nul. Ça passe en main stage le samedi, donc il y a quand même peu de chance. Ou alors, il faut que je sois en train de passer devant pour jeter un œil, mais... J'ai pas assez à... Tu sais, ça me fait un peu penser à les groupes comme Architect ou des trucs comme ça qu'on aime pas trop. Ouais. Tu vois, le côté vraiment metalcore, deathcore, machin. Ouais, très, je vois. Mais on fait ouais, mais non, c'est trop. Ouais, en fait. Ouais. Non, mais moi, je pense que c'est non direct, c'est un peu, style. Moi, c'est... Mais pourtant, c'est bien. Enfin, je vois que c'est bien, c'est juste moi, ça me parle pas. Ouais. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais je comprends. Et j'en suis... C'est un dilemme, hein. Bah non, mais après... pas plus que ça, mais... Des fois, il peut y avoir un truc qui te parle plus que d'autres. Là, il n'y a pas eu. Ok. Voilà. Suivant. Tout à fait. Donc, moi, j'avais... Oh, excusez-moi. Ah, j'avais Hank Van Hill. Oui, tout à fait. Voilà. C'est tout. Ah bah, c'est bien. Non, Hank Van Hill, entre parenthèses, Vett. Parce qu'apparemment, à la base, c'est Hank Van Hill Vett. Hans ouais. Erik Osby, de son vrai nom, tout à fait. Qui est un Norvégien, qui fait du punk rock, heavy metal, death punk. Ouais. Donc, c'est son premier passage au Hellfest en tant que Hank Van Hell. Mm-hmm. Voilà. Hank Van Hell est plus connu pour avoir été l'un des membres du groupe punk Turbo Negro. Ouais. Date de 93 à 2010. Et a connu des périodes sombres dues aux drogues, multiples dépressions et tentatives de désintox. Et c'est à cause de tout ceci qu'en 2010, il décide de quitter Turbo Negro. De lui-même. De lui-même. Très bien. Donc voilà. Le temps de lancer certainement une machine foncée à 30 degrés et d'étendre les serviettes de toilette. Et boum, tout boum, jeu de mots, blague. Hank nous pond Egomania en 2018. C'est vrai. Fin 2018. Ouais, enfin, ça reste en 2018 quand même. Ouais, non, mais c'est pour contextualiser. Tu comptes reprendre tout qu'est-ce que je dis ? Pardon. Donc voilà, un album que on a écouté, oui, forcément. Oui, oui, hein, oui. Qui passe très bien. Très, très bien. Voilà. Qui passe plutôt cool. Ouais. Après avoir sur scène, il passe où ? Quand ? Il passe la Warzone vendredi. Voilà. Donc, écoute, je pense qu'il se passera certainement tard, parce espérons. Que ça reste quand même... c'est Hank Van Hell, donc il est passé avec Turbo Negro, je pense. Il est passé avec Turbo Negro, mais attends, il n'est pas forcément non plus... Il n'y a pas forcément... Ouais, mais dans ce sens-là, justement, ce que précisait Ben, c'est qu'il n'y a pas forcément tout le temps une question de notoriété, oui. Mais il y a quand même un petit peu, quand même. Bah écoute, oui, peut-être, après, tant mieux. De toute façon, on s'engage à rien du tout. Hein. Voilà. Je non, mais qu'il passera, tu... il passera plus tard que 10h30. Je ne m'engage pas. Tu ne t'engages pas. Je ne dis rien. En tout cas, c'est vrai que ça sent le Turbo Negro, ça a le goût du Turbo Negro. Ouais. En plus soft, je dirais, dans le côté... En fait, en moins barré, parce que... Un seul personnage est en train de... Voilà, il est tout seul. Ouais, c'est ça. Alors que l'autre est un groupe, donc forcément, ouais. Tu ressens plus les différentes facettes que là, tu ressens plus un truc seul. Mm. Mais c'est pas du tout désagréable. Mais tu vois... Enfin, voilà. Même sans savoir qu'il a été chanteur de Turbo Negro, ça t'y fait penser quand même, quoi. Ah oui, complètement. Donc, on sent les influences, hein. Il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas de souci. Nous, il y a quand même des chances qu'on aille jeter un œil. Moi, j'ai regardé un live sur YouTube. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus ses musiciens qui bougent que lui. Mais après, ça peut être sympa quand même. Ouais. Faut voir quoi. Tu es partant. Voilà. Oui, oui, oui, pourquoi pas. Ouais, j'ai bien aimé justement la clôture, hein, avec Turbo Negro l'année dernière. Ouais. Et si ça peut être un peu dans la même veine au niveau du show, au niveau de l'ambiance, pourquoi pas. Très bien. Voilà. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire sur Hank Van Hell. Bah, c'est bien déjà. C'est bien. En même temps, il a fait qu'un album. Tu l'as écouté, tu l'as bien aimé. Voilà. Je l'ai écouté, voilà. Ouais, c'est. Est-ce ça, que tu l'achèterais? Non, je pense pas. Ah bah, tu vois. Non. J'aime bien, mais après, je l'écoute sur Spotify. Faut vraiment que j'aime un album pour l'acheter. Parce que quand j'achète les albums, c'est principalement, je pense, à me dire pour foutre dans la bagnole. Pour l'avoir avec moi tout le temps. Parce que c'est ton truc, la bagnole. Voilà. Pas un mec de la voiture. Pas plus que ça. Je suis pas un mec de la bagnole, moi. Je suis plus un mec du camion. Ouais. Ouais, Camtar, tout ça, ça me parle. Je comprends. Formé en 2013 par Georges Emmanuel de Rotting Christ et Statis Risdis de Nightfall, le groupe Lucifershied, venant de Grèce, nous délivre un black metal plutôt progressif, avec des lyriques ayant pour thème l'occulte, et propose quand même deux albums, rétrospectivement en 2015 et 2018. C'est donc mon deuxième groupe, qui se produira sous la Temple le dimanche. Comment dire ? Alors, je vais avoir un peu... J'ai deux groupes où j'ai un peu le même avis... à tendance black metal un peu progressif ou machin, ça s'écoute très bien. Il y a plein de moments, il y a pas de moment particulier où je me dis « Oh là, fait chier, j'écoute du black metal », comme ça a pu m'arriver par le passé. Là, j'étais vraiment plus en train de découvrir et de passer à chaque fois des moments plutôt agréables, on va dire, entre parenthèses. Sauf que de temps en temps, quand tu entends vraiment les paroles qui, malgré mon anglais pourri, quand tu commences à entendre Lucifer, et compagnie, tout ça qui revient en boucle, ça peut me faire sortir un peu du truc, quoi. Ah, moi, ça me fait totalement sortir du truc. Non, mais parce que musicalement, ça marche plutôt bien. Comme c'est, il y a effectivement un peu de progressif dedans, ça fait son office. Moi, c'est bien que musicalement, ça peut passer beaucoup de choses. Et là, du coup, Toi, t'écoutes du black et du death, donc déjà, c'est vrai. Pour l'émission. Ah oui. Pour l'émission, j'écoute. Ça m'est pas arrivé encore d'écouter du Black. Ah. Volontairement. Attends, si, là, le dernier album de Death Heaven, mais en fait, c'est tellement pas du black metal que. Bref. Ouais, non, donc. Je connais pas beaucoup Rotting Christ. J'ai l'impression que je devrais le connaître, ce groupe, parce que le titre me parle beaucoup. Mais donc, j'ai pas de retour par rapport à ça, parce que comme le mec vient de ce groupe-là. Mais Lucifer Child, moi, je m'attendais déjà à un truc beaucoup plus heavy, parce que comme je l'avais dit, c'est aussi le titre d'une chanson de Diamond, de King Diamond. Et donc, du coup, j'ai été assez surpris. Mais c'est pas du black metal désagréable à écouter. C'est pas. J'arrive pas à me rendre compte si c'est du black metal intéressant, différent. C'est bien produit. Tu entends bien tous les instruments. Ouais. Le chant reste typique pour ce que c'est, mais il est pas trop appuyé non plus. Toi, les riffs sont répétitifs comme des trucs de black metal. Enfin, accéléré, je sais pas comment dire. Le style. Oui, il y a un certain nombre de beats. Enfin, tu vois, c'est particulier musicalement, le black metal, c'est pas des. Tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, je peux pas l'exprimer voilà, comme bah, ça, c'est... parce que moi je ne suis pas dans ce. Non, mais du coup, ça, j'ai dépassé ce truc-là, et il y a rien qui m'a choqué. J'ai trouvé 2-3 morceaux qui étaient sympas, mais rien qui fasse dire ouais, j'aime bien Lucifer Child. Moi, tu vois, ce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure en écoutant Behemoth, justement, c'est des fois, et même souvent dans le black metal, parce que dans le death moins, j'ai remarqué, mais dans le black metal, les batteries sont mises vachement en avant, ouais. Et les guitares sont assez étouffées. Ouais. Les basses, on les entend quasiment pas. Ouais. Enfin, pour ma part. Après, peut-être que si, hein. Peut-être que les trous, oh, mais si, les basses, on les entend, t'es complètement con. Mais voilà. Mais moi, j'ai trouvé, je me suis dit, putain, c'est vrai que je me suis fait la réflexion, la double pédale avec le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, limite machine, tu vois. Et il y a un moment, j'ai décroché, parce que je me suis dit, putain, je trouve pas ça agréable, quoi. Bah, t'entends juste le bruit de la caisse claire et de la double pédale, et le chant, forcément du chanteur, mais et les guitares sont vachement étouffées, je trouve, le son est... Oh, plus pas trop pas bien géré par rapport pas à ça. Trop là pas ouais. Trop là c'est pas non mais là j'ai remarqué que ça dépendait vraiment de la prod ce que tu dis parce que je suis d'accord sur certains trucs de black metal où t'as l'impression que la guitare elle est envoyée à 3 km dans le fond et que c'est ça ouais. C'est vraiment le ta ta ta ta ta ta qui est devant qui est mis en avant mais et qui est très répétitif et qui paraît manquer de nuance en plus ouais mais... et puis au bout du compte qui est pas agréable quoi du non coup, mais qui va qui peut être lié à qui peut être lié à l'ensemble qui est voulu être exprimé en fait je Non, j'essaie d'avancer dans cette constante-là, d'essayer de voir si c'est le groupe essaye d'être un groupe qui fait du black metal pour ce que ça apporte, ou juste pour dire je fais du black metal parce que c'est un style de musique, tu vois. Ouais. Là, j'ai l'impression, même si les paroles sont vraiment sur le thème, qu'on n'est peut-être pas forcément dans un groupe de black eux, mais de groupes qui font du black metal, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Oui, je vois. Voilà. Je vois la nuance. C'est mon ressenti, et du coup, c'est pour ça que j'ai pas non plus... plus aimé que ça, mais ça m'a pas dérangé à écouter. C'est plus des gens, ah d'accord, ils font du black metal, tu vois. Je les sentais un peu moins, peut-être parce qu'ils appuyaient trop au niveau des paroles et que à chaque fois ça me faisait marquer le truc. Oh, putain. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Bah, ouais, parce que le y a un refrain particulier qui est très marqué, donc Lucifer, Satana, c'est un truc comme ça. Je crois qu'il dit peut-être même Behemoth, Lucifer, Satana, ça a enchaîné les trois, donc ça fait beaucoup dans un seul et même refrain. Ouais. Alors, tu te contenterais de Behemoth ou Lucifer ou Satanas, je veux dire. Ouais, non, mais c'est vraiment... Enfin, le reste était écoutable à ce moment-là. Enfin, pour moi. Donc, voilà. Tu l'auras dit. Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Qui corrige ça, quand même. J'irai pas les voir. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai pas envie. Non, j'ai pas spécialement envie. Autant Whitechapel, je disais tout à l'heure, ça m'avait pas plus branché que ça. Mais si je voudrais bien voir les bouger sur scène, ça j'aurais pas spécialement envie. Par contre, c'est vrai que si ça fait partie des groupes du matin et que je passe devant, il y a des chances que je jette quand même un œil parce que je connais. Ce qui s'est déjà passé. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc j'évite de faire genre ouais, j'irai pas les voir. J'ai été voir des trucs pires que ça. Je t'en prie. Merci. Graveyard. Hey. Qui est un groupe. C'est possible. De musique. Avec des musiciens. Ouais. Avec une histoire assez compliquée aussi. Donc, il y a un groupe de rock psyché, blues rock. Moi, je mélangerais tout ça. Je mettrais du blues psyché, rock, stoner avec un petit peu de. 350 grammes de farine, 4 œufs et un peu de sucre. Ils passeront sous la vallée le vendredi. Voilà. Donc, premier passage en 2013, de mémoire. Ce sera leur deuxième passage, je pense, de ce que j'en ai vu. Voilà, c'est un groupe norvégien, de Norvégie, qui a débuté en 2006, qui a fait une pause en 2016, et qui est revenu en 2017. C'était certainement le temps de lancer une machine. Bah, ça, faut à peu près ça. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas tout écouté de Graveyard. Je connaissais déjà avant, mais pareil, dans le flow. Dans le flow, c'est ça, hein, dans des écoutes comme ça, aléatoires. Là, j'ai écouté un petit peu plus, forcément. C'est sympa, c'est psyché, c'est tout à fait l'esprit 70s, très. J'ai pas grand chose à dire, quoi. C'est un groupe sympa, je pense, à aller voir si on est tout à fait dans le style. Bah, après, moi... voilà, j'aime bien, ça passe bien. Le peu que j'en ai écouté, j'ai trouvé ça très sympa. Moi. Ouais. J'ai trouvé ça chouette. En plus, je me suis dit, tiens, c'est un groupe que tu pourrais, mais. Non, j'aime bien. Ça fait longtemps que je connais Graveyard, mais sans aller approfondir le sujet à fond. Et ouais, je dis, quand j'écoute, j'aime bien. Mais voilà. Je ne mets pas volontairement, par contre. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu irais les voir ? En général, oui, ça pourrait m'arriver. Là, par exemple, maintenant que tu as un peu plus écouté, genre, est-ce que tu dirais, ah, je pourrais le mettre sur ma liste ? Oui, je pourrais le mettre sur ma liste. Ouais. Et ben, c'est une bonne chose. Ouais. Très bien. Ouais, j'aime bien, en général. Faire des listes. Faire des listes. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien. On enchaîne ? D'accord. Ouais, ça fait un peu expédié, mais bon, il faut, des fois. Tu es malade. Mais tout à fait. Et puisque, tu sais depuis combien de temps en danger, déjà ? Bon, pas longtemps, 1h30. Non, 1h11. Oh, bah, ça va. On a dû beaucoup discuter entre deux, enfin avant. Ouais. Beaucoup trop. Parce que déjà, il est 20h moins le 15. 20h moins 15. Ouais. Vache. Bah, parce que moi, le cœur s'est dépassé. Ouais, non. Blackberry Smoke. Blackberry Smoke, ou Fumée de Mur, est un groupe de rock. Je connais pas. C'est la ville. C'est de la musique. Ah, est un groupe de rock sudiste américain originaire d'Atlanta, en Géorgie. Il s'inspire du bluegrass, du blues et de la musique country et devient donc un groupe difficile à classer. Formé en 2000, le groupe est autant présent en tant que tête d'affiche que première partie des groupes tels ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, avec plein de Y, ou encore Eric Church, le fameux chanteur de country. Avec une moyenne de 250 dates par an, le groupe passe plus de temps sur la route qu'ailleurs et ça se mélange complètement à leur style de musique. Plusieurs EP, un live, 6 albums studio, dont le 5e s'est classé au premier rang des charts américains du Billboard Country, et le dernier qui remonte à 2018. Le groupe sent bon le Buffalo Grill. South America. Je sais que je l'ai déjà dit lors d'une chronique, je ne sais plus trop laquelle, mais ça me fait, à chaque fois que j'écoute du Blackberry Smoke, je suis en train de me dire, putain, je prendrais bien un Jimbalaya. Ou je avec prends une ou deux profiteroles. Ça me fait vraiment penser à la musique que t'entends. Tu sais, t'es au Buffalo, t'es en train de manger, puis ta femme te raconte un truc que t'écoutes pas, parce que t'en fous, puis ton oreille part à écouter de la musique, et tu dis, oh, c'est sympa la country. Et là, bam, voilà, ça me le fait à entre chaque fois. Entre deux Willie Nelson. Donc vraiment, c'est très sympa, c'est très agréable. J'imagine ça totalement comme étant un des premiers groupes du matin. Ouais. Donc ça mélange un peu hein, tout ce que j'ai cité, donc ça s'arrête pas à un seul style classique, ça fait vraiment du rock, du bluegrass, du Il passe en main stage le dimanche. Ah ouais, ce sera bien un groupe du matin. Ah, ça sera un groupe du matin. Je pense que s'il n'y a vraiment rien d'autre, genre coup de cœur de ouf devant, je serai devant à regarder parce que c'est très agréable à écouter. Hein. Ouais. Ah, vraiment. Comment tu dis ? Blackberry Smoke. Blackberry Smoke. Tu vois, par exemple, ZZ Top. En fait, du coup, quand j'ai écouté un peu ZZ Top pour aller pour m'y plonger un peu plus, je dirais que j'ai trouvé presque. Alors, toute proportion gardée, aujourd'hui, je dirais le groupe un peu trop surcoté aujourd'hui. Contrairement à tout ce qui. Comparé à ce qu'ils ont tous sorti récemment et des derniers trucs, on est vraiment sur une période particulière de ce qu'ils ont fait. Et bon, après, on est à combien d'années plus tard aussi, donc c'est impossible de comparer, tu vois. Mais ouais. Mais je trouve que sur le. Alors, on va dire, on va pas faire un ratio parce que ça n'a pas de sens. Tout est bien dans Blackberry Smoke. Toi, tout. Les différents albums sont bien, tout s'écoute. Toi, c'est un ensemble. T'as pas d'album à écouter dans un sens, t'as pas de Ok, truc. non, c'est Tu bien, vois? c'est intéressant. Ça me fait. C'est très agréable à écouter, ça passe super bien. Ça te donne envie d'aller au Buffalo. Vraiment, vraiment, ça sent bon la bouffe américaine et ça sent bon le sud. Ouais. Ça donne envie. Moi, je suis plus ribs, tu vois. Ah ouais? Ah putain, les ribs. Bah, j'avoue que j'ai tendance à prendre des burgers, mais un bon jambalaya, c'est le plat avec du riz, t'as un épi de maïs, Ouais. t'as tout dedans, le truc un Moi, je peu suis ribs avec Tex-Mex. potatoes, moi, tu vois. Ah ouais, non, moi je suis un peu. Vraiment à l'américaine. Je commande une Bud en général. Ah ouais? Bah ouais. Tant qu'à faire. Écoute, tu fais bien. Bah ouais. Voilà, moi c'est un groupe que j'ai bien aimé. MILF. J'irai pas forcément acheter un album, mais les voir en concert, pourquoi pas. Ouais, les Et écouter de les temps en mettre, temps. voilà, c'est un groupe que tu peux Ouais. totalement mettre de temps en temps. Je t'en Cool. prie. Ça fait plaisir. Bah moi, j'ai pour mon dernier groupe, Venom Inc. On est d'accord? On est d'accord. Qui est un groupe britannique de black metal, speed metal. D'accord. Voilà. Qui passera sous la Temple vendredi. Ok. Formé en 2015 et composé d'anciens membres de Venom. Ouais, ça Tout court. c'est Venom. sans le ink. Tout court. Faut pas confondre. Voilà. Donc, il y a Demolition Man à la basse et au chant. Abaddon à la batterie et Manta à la guitare. Donc ils ont un album paru en 2017 sous le nom de Ave. Avait. Ave. Avait. Je l'ai écouté D'accord. et j'ai kiffé. Ah ouais? Ah, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai halluciné. Rarement les premières écoutes, on en parlait. Je Ouais. te l'ai dit, ouais, première écoute, machin truc. Là, j'ai écouté. J'ai bien aimé, quoi. J'ai trouvé ça cool. Bah tant À mieux. la limite, t'as des lignes de basse qui sont sympas. T'as même Ouais. un morceau, deux morceaux qui m'ont fait penser à du Motorhead, avec forcément Demolition Man au chant, Ouais. qui est assez différent. Mais ouais, je trouvais ça cool. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller écouter du Venom? Bah, alors, je ne connais pas Venom. Je connais Bah de nom, forcément. c'est pour ça en fait, c'est pour ça que Mais je. oui, ça m'a forcément donné envie d'aller écouter Venom, qui sont considérés quand même. Enfin, Venom, tout court. Ouais. Sont considérés comme les pionniers du black metal et tout Ouais. ça, et qui ont fait partie de la New Wave Of British Heavy of Metal? British Heavy Metal. Non, du coup, c'est pas celle-là si c'est le black metal, mais. Bah, si, British si, Heavy attends. Metal, c'est ça. C'est comme Iron Maiden et. C'est ça, ouais. Ouais, Bah, ils d'accord. font partie de cette mouvance-là. Les fans n'étaient pas d'accord, mais Venom, c'est totalement reconnu là-dedans. Donc, après, voilà. Et j'ai vu aussi que Venom était le groupe le plus piraté, apparemment. Ah ouais? Ouais. Mais ils ont tellement rien fait que t'as énormément de bootlegs, de piratage qui sont plus reconnus que certains albums officiels de Venom. Donc, c'est un bordel totalement sans nom Ça avec doit être Venom, sympa. quoi. Voilà. J'irai voir ce que ça donne, Venom. Mais ouais, franchement, Venom Inc., c'est. Donc, qu'est-ce que tu iras les voir? Bah, j'aimerais bien. Ah ouais, donc ça Ouais, t'a j'aimerais vraiment bien bien aller les plu. voir. Ah bah, tu vois, tu m'as Ouais. donné envie d'aller l'écouter. Bonne énergie. Bon, le premier, faut pas se fier au premier morceau. Ouais. Le premier morceau est assez long, je crois qu'il dure 8 minutes. D'ailleurs, les morceaux en général sont assez longs. Je crois que le plus court doit faire 4 minutes et quelques, il doit presque durer 5 minutes. Mais ouais, non, bonne énergie. Après, il y a certains morceaux où j'ai un peu zappé. Je dis au bout de 4 minutes, bon, bah, derrière, je sais qu'il va pas se passer grand-chose. Et effectivement, il s'est pas passé grand-chose. Mais non, j'ai bien aimé, j'ai tout écouté, j'ai assez surpris parce que les morceaux se suivent sans vraiment se ressembler, parce que t'as War, par exemple, qui je crois, précède je ne sais plus quel autre morceau, qui justement doit ressembler à du Motorhead, mais en version Venom Inc. Mais ouais, bonne énergie, bonne ligne de basse, bonne batterie, bonne voix. Ouais. Il n'y a pas de chant criard dégueulasse comme j'aime pas. C'est une voix grave toujours. Très bien. Bon, Voilà. bah très bien. Et si j'ai l'occasion, j'irai les voir. Tu iras aller voir. T'en es pas quand même acheté un album. Non. Non. Ah, c'est en même temps, cet album-là, je sais pas trop. Ah. Je le réécouterai pour voir, mais Pourquoi pas? ouais. Pour D'accord. mettre dans la bagnole. Très bien. Bah j'irai écouter alors, parce que tu m'as donné envie. Mon dernier groupe maintenant, après le tien, Arlac. Tout d'abord, Cocorico. Ah, tiens. Eh oui. Groupe de black metal épique d'Aurillac. Fondé en 2007, mais avec une petite pause de 2011 à 2018, qui voit leur retour, ainsi que leurs 10 ans d'existence. C'est une machine, quoi. Ah bah, une grosse machine. Leurs 10 ans d'existence, salués par la sortie de L'Esprit des Vents, dernier volet de leur trilogie des Vents. Ça fait une trilogie des Vents. Donc après les Chroniques des Vents et À la Croisée des Vents. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de blague. Non, c'est pas... C'est, ah, okay. Non, non, c'est un truc poétique, c'est pas... Ah oui, d'accord, c'est ok. Pas une, c'est pas une blague. Ah non, je veux pas... Un groupe qui, un peu dans le même genre qu'Inspecteur Clouseau, est fier de sa région, parti pris par le groupe d'explorer à travers ses paroles l'histoire de l'Auvergne avec des faits historiques comme les Tuchins qui se sont soulevés contre l'impôt, sans parler de la croix cléchée, symbole de l'Occitanie qu'ils mettent sur leur visuel et dont ils ont même nommé un titre, l'Ode à la croix cléchée. Je remercie d'ailleurs le site Rodrineged et plus particulièrement Mademoiselle S pour ses infos, parce que c'est un peu de là que j'ai repris tout ça. Ça m'arrive aussi. Donc j'ai pas envie de... Que merci si un à jour... tous ceux à qui je repique les infos. Du coup, c'est mon autre groupe de black metal de la semaine. C'est le troisième. Quatrième. Bah, que dire. Je suis plus intéressé en fait par ce qu'ils proposent que par le résultat, je te dirais. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que ce qu'ils proposent de faire, par exemple, de faire une trilogie sur les vents, tout ça, avec des histoires, m'intéresse plus que ce que j'ai écouté, parce que ça reste quand même du black metal un peu dans ce que je disais. Eux, ils ont l'air d'être plus trou que les autres, ouais, de tout à l'heure, mais tu reconnais quand même plus un groupe qui fait du black metal. C'est propre, ça s'écoute bien, c'est dans le bon esprit du black metal. Ça m'a pas transcendé, ça m'a pas déplu, j'ai pas eu envie de me dire ah, c'est horrible, tout ça, c'est pas à ce niveau-là. Par contre, je trouve leur démarche d'essayer de faire quelque chose de sincère et d'intéressant, ça me donnerait presque envie d'aller m'intéresser aux paroles et tout ça. D'accord. Petit fait que je rajoute, parce que j'avais beaucoup de mal, et j'ai quand même toujours un peu de mal à avoir un avis sur le groupe, que j'ai écouté à de nombreuses reprises pendant toutes ces semaines, à chaque fois sans arriver à vraiment avoir quelque chose à dire. J'ai été voir un live tout à l'heure, en fin d'après-midi, et j'ai trouvé ça plutôt sympa en live. Et ils chantent en français ou... Oui, ils chantent en français, aussi en Occitanie. Ah oui, ouais. Ah oui, mais moi, personnellement, je ne me rends pas compte, comme je ne parle pas l'Occitanie. Oui, je le sais. Ça peut être intéressant. Ouais. Mais ça reste ça du donne une autre dimension au truc. Quoi. Ça reste du black metal. Donc Oui, l'écoute est moins facile. Toi, tu n'as pas passé cette étape. Pas encore. Donc, j'ai déjà pas passé l'étape du black metal. Donc, c'est un groupe qui passera d'ailleurs vendredi sous la Temple. Je ne suis pas totalement fermé à retourner voir, parce que ce que j'ai vu en live, en plus c'est un live qui est un live assez récent, de 2018, m'a donné envie d'aller voir. Mais, mais j'ai l'impression par moment du coup que le black metal est plus intéressant en live que sur disque. Peut-être. Alors qu'ils n'ont pas, ils ont pas du tout le côté déguisement ou peinture ou quoi que ce soit. Ça, ouais, voilà. Mais musicalement, c'est ça. Donc c'est... En général, c'est souvent comme ça. Bon, enfin, de moi, ce que je ressens, c'est vrai qu'il y a... J'apprécie énormément les concerts de... Ah, tu veux dire que c'est live. Plus intéressant en live. Oui, ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, d'accord. Je croyais que tu étais en train de me dire qu'ils n'avaient pas de peinture et tout ça. C'est ça que j'allais dire. Non, je préfère voir les artistes que de les écouter en Moi aussi, en album. Mais il y a des fois des trucs que tu peux ressentir. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'avec... Enfin, attention, encore une fois, je mets des guillemets. Que l'essence du black metal a du mal à arriver sur album. Ou après, ça dépend peut-être du type de black metal, tu vois, mais... Là, c'est pas moi qui... Bah non, c'est ça. Mais en tout cas, ça m'a pas du tout plus d'écouter, quoi. Hein? Ça m'a pas transporté, mais ça m'a pas déplu. Voilà. Eh bien, tant mieux. Donc, on va passer au groupe... Au tirage au sort. Au tirage au sort. Roulement de tamboule. Alors, ça fait un petit moment, je suis un petit peu ému. Comme ému, je te comprends. Tellement ému que je ne sais plus où c'est. À qui le tour ? Ça, c'est ça l'application pour ceux qui. Ça s'appelle À qui le tour ? À qui le tour ? Je t'en prie pendant que. Je t'en prie. Suivant. Roulement de tambour. Oh bah tiens, ça comme c'est rigolo. L'Ophophora. Nico, si tu nous écoutes. Eh bah tant mieux. Pour toi ça va, ça va pas me déranger. L'Ophophora, Fora. À moi. Encore un petit groupe de black metal ? Bah écoute, je pense que je vais avoir... Bah, je sais pas. Je pense qu'il va falloir que tu me le lises. Moi, je peux l'écrire parce que... Parce que tu l'as sous les yeux. Je vais tenter le coup. Vas-y. Booze Onkels. Ah bah, ça oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien lu. Booze Onkels. Onkels. Bon, bah voilà. Oh, ah bah voilà, Wizzing Temptation. Il y a une justice. C'est normal, voilà. Il y a une justice. Quand même, hein, je me tape le black metal, tu te tapes le lyrique. Ouais, enfin, je me suis déjà fait Dream Theater. Bah oui, bah tu voilà, c'est bien, c'est pour toi. Tout se tient. Non, c'est pas pour moi, je sais. C'est pas pour toi. Enfin, si, parce que je connais pas. Ah, du coup. Mais moi, je me tape que des. Alors, Cara Angren. Je sais pas, Cara, c'est. Aucun lien, fils unique. Ah ouais, je pense. Ouais. Oh la vache. Il y a eu une discussion encore de ça, justement, au concert d'Avatar. Sur quoi ? Comme quoi, La Cité de la Peur, c'était un film de merde. Insanity Alert. Oh putain ! Ouais, comme tu dis. Ah, salaud. Bah ouais. Ah bon, c'est pas bien comme film ? Je sais pas, il y a des gens qui ont dit ça. Parce qu'ils ont trouvé que c'était quoi ? Ridicule ? Ah puis sérieux, hein, tu sais, c'était vraiment... c'était un film de merde, quoi. Ouais, c'est pas drôle. Oh là. Une certaine personne. Ah bon, j'ai vu l'application qui a bugué. Ça s'est arrêté sur Anthrax. Je fais dire, quoi ? On l'a déjà vu ? Et c'est reparti. Gojira. Tranquille. En même temps. Ça va être ta petite pause. Ouais, ça va être plutôt agréable. Oh bah. Hein ? Encore ? Bah non, c'est pas possible. Ah bah tu peux le passer. Ouais, bah oui. Parce que je l'ai marqué, mais on l'a pas. Bah oui, du coup. C'était Slayer. C'était Slayer, oui. Oh merde ! Quoi ? Clutch ? Je fais comment ? Bah tu l'écoutes, écoute. J'écoute sur Spotify ou sur ma chaîne ? Ouais, ça va. J'ai quasiment tous les albums. Au fait, alors, il était comment ce truc collector ? De Clutch. De Book of Bad Decisions. Ouais. Et il est très sympa. Très très sympa. Après... ça reste un album CD, hein. Attends, à l'intérieur, il y a plein de photos, de croquis. Je vais faire une vérification parce que j'ai un doute sur le groupe là. C'est-à-dire ? J'aurais pu me tromper dans l'écriture. Ah merde. Je te le montre. Vas-y, montre-moi. Pour pas que tu le lises. Ah, eh ben non, il existe. Il existe ? Il existe. Ah oui, d'accord. Doul. Doul. D-O-O-L. D-O-O-L, voilà. C'est pas je comprends ton doute. C'est vrai, tu vois, j'ai dû me planter. Ouais. D'accord, bah non. Bah. Donc, bah voilà, vous avez nos quatre groupes. De manière, je sortirai les playlists bientôt. Et tiens, c'est marrant. Ah oui, d'accord, ça a fait ça par-dessus, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça, j'ai quatre bons groupes, là, hein, à écouter. Hein. Eh ben, du coup, on vous dit à la prochaine. Hein. On va pas préciser la date. Bah c'est ça, la prochaine. La prochaine. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Une agréable écoute en notre compagnie. En espérant que ça n'a pas été aussi désagréable pour vous que l'attente pour nous de le refaire. C'est ça. Et on vous dit à très vite. Exactement. Donc, on vous aime. Et on vous emmerde. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Bonne écoute et bisous. Au revoir. C'est marrant parce qu'en fait, là, je vois l'épisode qui est en train d'effacer l'ancien épisode. Ah, c'est bien ça. Ça fait peur.